Linda là-bas, oui, je vous retrouve pour continuer de parler de cette mobilisation générale du côté du Burkina Faso. On le sait, c'est un décret qui amène beaucoup d'autres choses, qui impose beaucoup d'autres restrictions. Est-ce que, d'après vous, c'est une mesure justifiée ou bien le poids que cette mesure va mettre sur le peuple est un poids justifié ou injustifié d'après vous, Linda Labaoui? Bien sûr que c'est justifié. Moi-même, quand j'intervenais par rapport au sujet malien, je disais au peuple malien de s'y mettre aussi parce que il est très très difficile pour l'État du Burkina aujourd'hui de faire face. Il faut que chacun devienne un agent de l'armée ou un agent policier ou pour dénoncer si on voit quelque chose qui va mal. Ou pour transmettre, pour filmer aussi, puisque aujourd'hui on a accès bien sûr à l'appareil téléphonique où on peut filmer, on peut prendre des photos. Tout est bon pour combattre ce fléau, combattre ces terroristes. Maintenant, je vais rectifier certaines choses. En 1975, il y a quelque chose qui éclate. Et c'est l'opération Safari Club. Au même moment, les États-Unis négocient avec les talibans. C'est quoi le mot? Ça veut dire quoi, taliban? Talib, taliban. Ça veut dire étudiant. Taliban, c'est étudiant au pluriel. Les talibans sont à la base, ne sont pas afghans. Ce sont des Pakistanais qui font leurs études en Afghanistan. Principalement la tribu des Pachtounes. Et la tribu des Pachtounes, on retrouve ça et en Afghanistan et au Pakistan. C'est la plus grande tribu de la région. Donc les États-Unis qui négocient avec et qui nous créent Ben Laden. C'est les États-Unis qui l'ont créé, ce n'est pas la France. Et c'est à partir de ce moment-là que la guerre contre l'Union soviétique commence en Afghanistan. Et parallèlement à ça, donc il y a l'opération Safari Club en Afrique et les États-Unis aussi en 75, la CIA liquide le roi Faisal parce qu'il avait refusé, l'opération pétrodollar et relié les hydrocarbures au dollar. Il a été liquidé. Et au même moment, il préparait aussi avec le président de l'Égypte de l'époque, Anwar Sadat, les accords Camp David. Déjà en 1974, il parlait de Camp David. Donc, c'est une fois que le roi Faisal a été tué et on est arrivé à la fin de l'Union soviétique, que l'Égypte a pris le pouvoir donné par les Américains dans la mer Rouge pour légitimer aussi un petit peu Israël avec l'histoire des accords de Camp David. Moi, j'appelle ça une occupation vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, jusqu'à là, Ben Salman était occupée. Il y a l'armée égyptienne, les services secrets déjà égyptiens ont été créés par la CIA et ça joue un rôle dans le terrorisme puisque les frères terroristes, les frères musulmans sont à la base, ils viennent d'Égypte, ils ont été créés en Égypte par Hassan al-Banna et Saïd Ramadan. Donc je veux bien que l'Arabie Saoudite ait été impliquée là-dedans, mais elle a été obligée. Eh bien, ces pays-là ont donné 129 milliards de dollars pour détruire l'Union soviétique. Mais ce n'était pas un choix. C'était soit le terrorisme des Égyptiens qui pouvait les atteindre, soit il y avait l'histoire de l'émigration aussi, parce qu'en Égypte, il y a pas mal de chômeurs, et puis la mer Rouge, l'Arabie, elle est juste à côté, c'est la porte à côté. Soit il y avait les bombardements américains, il y avait toujours cette épée de Damoclès. Donc c'est pour ça que l'Arabie Saoudite s'est retrouvée, non pas à financer, mais à donner de l'argent. tout comme le Qatar. Et en 1996, il y avait une coalition qui s'était formée à leur tête, l'Égypte, pour attaquer l'Irak, pardon, le Qatar. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et c'est à partir de ce moment-là que le père de Tamim, le prince actuel, a négocié avec les Américains. Donc on retrouve toujours les services secrets égyptiens et on retrouve aussi l'armée égyptienne. Ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, l'Égypte a joué un grand rôle déjà depuis Jamal Abdel Nasser qui a fractionné ce qui était l'empire du roi Farouk. Donc l'Égypte, il ne faut pas négliger. Les frères terroristes, ils ne viennent pas de l'Arabie Saoudite, ils viennent bien de l'Égypte. Et jamais l'Égypte a procédé à quoi que ce soit pour les mettre dans la liste des terroristes. Et ils n'y sont pas. Donc les talibans viennent de là, ils ont été rejoints par les frères musulmans qui ont joué un rôle très important dans cette guerre contre l'Union soviétique. Mais une fois qu'on s'en est débarrassé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'il y a eu un coup d'État en 89 au Soudan, et c'est là où Omar al-Bashir a pris le pouvoir, et c'était un frère musulman, lui, il faisait partie des frères terroristes, donc il a créé l'État islamique. Et en 91, il nous ramène Ben Laden, et Ben Laden n'est pas venu tout seul, il est venu avec toute l'équipe d'Al-Qaïda. Ça en était fini avec l'Union soviétique, donc on pouvait venir en Afrique. Et c'est là où on a gangréné le Sahel, on a commencé par l'Algérie et puis vice-versa. Mais ce qui est bizarre, c'est quand on parle du terrorisme, on ne parle jamais du Maroc. Le Moudjahou, ça a été créé et c'est toujours financé par le Maroc. Boko Haram, ça a été créé et financé par le Maroc. Donc l'intrus est avec nous, l'intrus est africain, que ça soit côté Égypte ou côté marocain. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont là. On parle souvent de la France, mais les États-Unis, c'est les États-Unis qui jouent un rôle dans tout ça. Ça fait 2 ans que je dis que, bien avant cette opération spéciale, je dis le terrorisme va revenir en force. Quand il y a eu cette opération spéciale en Ukraine, les armes qui étaient détournées, et ben j'étais la première à avoir l'information par le biais de la presse arabo-musulmane qui fait un travail extraordinaire justement, qui connaît très très bien ces dossiers. J'ai dit voilà ce qui se passe et j'ai envoyé plein de preuves et c'est avéré que c'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette guerre au Soudan? Pourquoi le Sahel le terrorisme est relancé dans le Sahel? Tout simplement, la Libye aussi, mais tout simplement, les États-Unis sont en train de faire la guerre à la Russie comme dans les années 70 et 80, c'était contre l'Union soviétique. Donc la chose ne va pas s'arranger. Qu'est-ce qui peut arranger les choses? Ce sont les... Exactement, il faut faire comme on a fait ailleurs. Les Syriens, eh ben, le peuple syrien s'est opposé à Daesh, il s'est opposé à Jaïch al-Nusra, il s'est opposé à l'armée libre. Le peuple algérien, quand on nous a la décennie noire, le peuple s'est opposé. Aujourd'hui, c'est au peuple, et je le dis depuis que j'interviens avec Afrique Média, c'est les peuples qui peuvent jouer un rôle important. L'armée toute seule ne peut rien faire, la police toute seule ne peut rien faire. Donc une mobilisation, c'est très bien. Mais il n'y a pas que l'appel à cette mobilisation, il faut que les gens soient volontaires. Moi je me rappelle dans la décennie noire, l'armée algérienne quand elle a vu qu'elle était dépassée, ben, elle a armé le peuple, elle a fait confiance à son peuple. Bien sûr qu'on n'a pas donné des armes à tous les fous du pays, ils étaient triés, mais les gens avaient le droit à une autodéfense. Et ça a aidé énormément. Et le jour où ça s'est arrêté, eh ben, chacun a rendu son arme. Mais ce qui s'est passé aussi, je viens de le dire, en Syrie. Ce qui s'est passé aussi avec Daesh en Irak. Donc, à chacun de s'y mettre. Et chacun doit participer pour lutter contre ça. Mais il faut arrêter de dire que la France est très affaiblie en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pèse plus rien. Mais le terrorisme que nous avons aujourd'hui et la guerre qui vient d'éclater au Soudan va justifier le transfert de quelques armes. Eh ben, ça, c'est les Américains. Les Américains n'iront jamais dans une guerre de confrontation. Ils ne le feront pas. C'est toujours des guerres par proxy, c'est toujours des guerres avec le terrorisme. Et il y a une dizaine de jours, le chef d'état-major algérien lors d'un discours, il a dit une chose très importante. Il dit clairement, toutes ces forces étrangères qui viennent sur le continent africain, soi-disant, je vous répète, je vous traduis ce qu'il dit, ce qu'il a dit sous prétexte de lutter contre le terrorisme, c'est terminé, la chanson, on la connaît, on sait pourquoi ils sont là. Et on sait que c'est pas pour lutter contre le terrorisme. Donc, aujourd'hui, on le sait, on transmet, mais ce que je demande à mon frère qui a intervenu juste un peu avant moi, il n'y a pas que les Français. L'Arabie Saoudite était obligée de financer, mais depuis déjà 3-4 ans, ils ont commencé à s'allier à la Russie et à la Chine. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a une véritable approche. Il y a des accords qui ont été signés avec les Chinois et avec la Russie. Si l'Arabie Saoudite se retire du pétrodollar comme elle commence à le faire maintenant, c'est ça la dédollarisation, ça nous aide énormément. Le wahhabisme, c'est tout le contraire, c'est ce qui va contre le salafisme, il faut le savoir. Dans le wahhabisme, on n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit d'aller contre le dirigeant. Eh ben, le salafisme, c'est tout le contraire. On a le droit même de tuer le dirigeant. Eh ben, vous voyez bien que c'est le contraire de l'Arabie Saoudite à une politique de tout, du contraire de ce qui se passe chez les frères terroristes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas donné d'argent. Ils ont donné de l'argent aux États-Unis. Ce que Hamad Ben Jassim a dit il y a quelques mois quand la question a été posée, celui qui était premier ministre qatari, il a dit « Nous n'avons jamais rien financé, nous n'avons pas donné de l'argent ni à Daesh, ni à Jaysh al-Nusra, nous avons donné cet argent aux Américains et c'est eux qui ont distribué. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la personne qui a traité avec les Américains qui le disent, mais il faut voir un petit peu tous ces dossiers. J'ai dit tout ça pour essayer de rectifier et éclaircir l'image et éclaircir la position africaine actuelle. Il faut pas penser qu'aux Français. Les Anglais jouent un rôle, les Allemands jouent un rôle, puisqu'il y a des Daéchis qui sont les demandeurs d'asile en Allemagne et ils vivent très très bien. Il y a des Daéchis qui vivent en France, certes, mais les États-Unis aussi jouent un rôle important. Et la base arrière de tous les terroristes du monde, c'est Londres. C'est pas autre chose. Il y a même une chaîne de télévision qui leur appartient et il y a leur journal aussi qui est basé à Londres et personne ne dit rien. Si on veut lutter contre ces groupes terroristes, c'est d'abord pour boycotter ces pays-là, boycotter leurs produits, d'aller manifester devant leur ambassade et devant leur consulat, de maintes façons de le faire et leur faire comprendre que nous ne sommes pas dupes. Et nous savons d'où vient notre mal. Merci. Également, Linda Labaoui. Afrique Média, le monde, c'est nous.